je ne prends point le recueillement que vous me reprochez comme une occupation, mais comme une récréation, et je ne vois pas pourquoi, parmi les plaisirs qui sont à ma portée, je m'interdirais le plus sensible et le plus innocent de tous. Le Dieu que je sers est un Dieu clément, un Père. Ce qui me touche est sa bonté. Elle efface à mes yeux tous ses autres attributs. Elle est le seul que je conçois. Sa puissance m'étonne. Son immensité me confond. Sa justice, il a fait l'homme faible. Puisqu'il est juste, il est clément. Le Dieu vengeur est le Dieu des méchants. Je ne puis ni le craindre pour moi, ni l'implorer contre un autre. Ô Dieu de paix, Dieu de bonté, c'est toi que j'adore. C'est de toi, je le sens, que je suis l'ouvrage. Et j'espère te retrouver au dernier jugement, tel que tu parles à mon cœur durant ma vie. J'en aime encore mieux ce que j'aime, et leur en suis plus agréable. Mon mari même en est plus content de mon humeur. La dévotion, prétend-il, est un opium pour l'âme. Elle est gaie, anime et soutient quand on en prend peu. Une trop forte dose endort, ou rend furieux, ou tue. J'espère ne pas aller jusque-là.